Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur FatJack83.2 pour l'émission Call du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Bon, je suis quand même un peu malade, j'ai la gorge qui est un peu éclatée, le nez pareil, mais ça va quand même. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à écouter cette demi-heure de reggae. Aujourd'hui je vous réserve pas mal de surprises en plus, de toutes sortes. Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous régaler. Allez les amis, on commence tout de suite avec une musique d'un film que j'adore et que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle Rasta Rocket. Et oui, ce film, alors, qui est juste fantastique. Et la chanson est Rise Above It. Vous allez voir, c'est juste formidable. J'adore, c'est tout de suite sur FatJack. Let's go. Voilà les amis, c'était Rise Above It. Allez, notre prochaine chanson est d'un groupe de rock des années 90 qui est aussi très connu, qui est Guns N' Roses. Et la chanson est Knocking on Heaven's Doors. C'est une grande chanson qui est connue. D'ailleurs, pas mal de gens l'ont chantée, comme Bob Dylan par exemple. C'était juste fantastique d'ailleurs, j'adore cette chanson. Et du coup, bah forcément, c'est une émission reggae, donc on va pas mettre du rock, mais bien Cette chanson en version reggae, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ça me fait délire les remixes comme ça, t'sais, où il n'y a aucun rapport. Genre, tu sais, du rock, tu passes au reggae. Ou alors du metal, tu passes au reggae. Aucun rapport, mais ça sonne bien quand même. Je comprends pas, mais vous allez voir, c'est quand même une tuerie. J'espère que ça va vous plaire. C'est tout de suite. Let's go. Et voilà, mes Rasta, c'était comme Knocking on Heaven's Door. Allez, passons à notre troisième chanson, qui est une chanson de Nicki Minaj, en feat avec un garçon que je ne connais pas très bien. Je dois vous avouer que celui-là, je ne connais pas très très bien, non. Mais la chanson est Ordeal. Et vous allez voir, c'est une tuerie par contre. Hein. Je connais pas le garçon, je connais pas le mec, mais elle est plutôt pas mal. Allez, c'est tout de suite. Let's go. What up? Yo, SB. This hold me ever get seen in my life. This one's for Queens. Y'all need one for the squeeze. This one's for Brooklyn. Y'all put me thing right around. New York City. Y'all don't give me the tightest hold me ever get seen in my life. Egyptian, tell them for Guan, eviction. This one, yeah, it's had a bad gal edition. See them gal that? Contradiction. Them say them sitting tight, a bare fiction. The whole of them a be it. Body smoking, cigarette. Shit nice, figure it. Get them the rollerblades, tell them to ski it. Stay out doing them, Jamaican tip. All I do is sign boobs and be taking pics. Got the new Benz, the color of a bacon pits. Got a spot in every state, Dalmatian bitch. Got this young money, old money, real good money. Ain't do a feature that wasn't on Billboard, honey. Kingston, Remo, Waterhouse, Jungle, Barbie. Man, I've enough gal in a bumble. Y'all me want me all, yeah. Put me arms right around, yeah. Y'all you give me the tightest grip me ever get seen in my life. Y'all me don't swap for you all, yeah. Put me thing all around, yeah. Y'all you give me the tightest hold me ever get seen in my life. Like a fast bike on the boy, room, room, room, room. Girl on the back and she a boom, boom, boom, boom. Give me back a one night, the fat to the come, come. But the rampers gonna ask me, I get my boom, boom. See him there with that control. She's a boy for no rock, still she grown. I still be multiplying, who got me walk for you, yeah. Put me arms right around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get seen in my life. Girl, me just walk for you, yeah. Put me arms right around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get seen in my life. Like a fast bike on the road, room, room, room, room. Girl, on the back of the car, boom, boom. The maga one night if I boom boom. But around one time me I move towards my boom. Still the mood I control. I'll move for you, she want in her soul. As it's a more fun, more run, still she grown. I'll still be mounted by more got me one feel more, yeah. Put me things out around, yeah. Y'all don't give me the tightest hold me ever get seen in my life. Y'all need to swap it. Anytime, anywhere, in any sphere, so me no care. Long as a woman, I will be there. Me want a girl who will take care of me. Me want a girl that can wine for me really good. I make me feel it. Show me that you can girl. Y'all me want for you all, yeah. Put me arms right around, yeah. Y'all you give me the tightest grip me ever get seen in my life. Y'all me just want for you all, yeah. Put me thing all around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get seen in my life. Bien voilà, mes Rasta, c'était Nicki Minaj avec le jeune garçon qui chante très bien d'ailleurs. Allez, notre prochain artiste est quelqu'un que j'adore, c'est nouveau. C'est Chronix, la chanson est Shanking Sweet. Oui, je suis sincèrement désolé pour mon accent anglais qui est une tuerie. Hein, je sais, j'ai un très bon accent anglais. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la chanson. Vous allez voir, j'adore. C'est une dinguerie. C'est pas. Ah, je vous laisse écouter. Trop d'émotions. C'est parti. Yeah. pressures of your life and it tough. Now stay down, mama, time pick it up. Now bother with the down, full style, strictly up, full vibes. Now pick it up when the bills, them, the rent and the mortgage due. Yeah, when me chalice, when your best friends are gone and it's only you. Yeah, like a past lift, turn up the music. Skanking sweet, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rap with me. You know, feel a reggae music, sweetie. Yeah, yeah. Skanking sweet, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rap with me. You know, feel a reggae music, sweetie. Yeah, yeah. Skanking sweet, for every pain there's a melody. Yeah, for every trouble there's a harmony. That brings everything together. So make we sing together. And who said life not hard? And every man got this struggle. I beg you to help me, Lord, and let me overcome my trouble. Skanking sweet, yeah. Everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rock with me. You know, feel a reggae music, sweet. Bien voilà, mes Rasta, c'était Chronix. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Moi, j'ai adoré, j'adore cette chanson. Ah, les amis, là, il faut que je vous parle de quelque chose. Je sais que nous sommes seulement en novembre. Nous sommes même début novembre. Enfin, début, je me comprends. Hein. On est quand même le 11 novembre. C'est pas début, mais bon, vous me comprenez, quoi. Il est peut-être un peu tôt pour mettre une chanson de Noël. Mais selon mon planning, je ne sais pas trop si je pourrais faire une émission pour Noël. Car voilà, je pendant cette période-là, je serai comment dire, en entreprise assez loin de Nancy. Bon, c'est pas non plus dans le sud de la France, hein, mais c'est quand même assez loin. Et je pourrais du coup peut-être ne pas venir enregistrer. Donc, je me dis, j'ai envie de leur faire kiffer rien qu'une fois, une chanson de Noël en reggae. Vous allez voir, mais c'est tellement une tuerie. Moi, je sais qu'avec ma famille, je suis obligé de mettre une chanson de Noël en reggae. On connaît toutes les chansons de Noël, petit papa Noël, les trucs là. Bon, c'est bien, mais bon, t'es en train de chialer alors que c'est Noël, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est reggae, tu chiales pas, tu danses, mon ami. Alors, c'est tout de suite, Noël reggae, let's go. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. J'espère que ça vous aura plu, ce petit mix de Noël reggae. Ah là là, ça me donne déjà envie d'être à Noël là, tout déglinguer les cadeaux, hop, à la faire la fête. Bon, pas trop boire, hein. Boire c'est pas bon, hein. Je compte sur vous, hein. Pas d'abus d'alcool, hein. Attention, hein, c'est dangereux pour la santé. Donc on n'abuse pas de ça, d'accord. Et même si c'est une émission reggae, on n'abuse pas de la fumette non plus. Je vous fais confiance, mes Rasta, hein. Je compte sur vous. Allez, passons à notre artiste suivant, qui est Dave Pivot. La chanson est Rots Marseillais. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. J'adore cette chanson. Allez, c'est tout de suite sur Fadjet. L'entendra chanter aux terrasses des cafés, dans la pire des soirées. La pulse de la ville, trop souvent dénigrée, a pris le rythme souple du dab et du reggae. C'est le route, route rock reggae marseillais. C'est le route, route rock reggae marseillais, man. C'est le route, route rock reggae marseillais. Le route, le route marseillais. Les remplaçants chanter la haine. Le poète de la rue remonte sur la scène. Le son reprend ses droits, fait résonner la voix de ceux qui en ont marre de passer pour des tards. Et du hip-hop au reggae, même c'est du délire au même. La tchatch marseillaise, unie contre le pen. À chaque son possi, debout contre la haine. De vitre en la cassie, pour virer le FN. C'est le route, route rock reggae marseillais. C'est le route, route rock reggae marseillais man. C'est le route, route rock reggae marseillais. Le route, le route marseillais. Papa, ça leur fout bien les boules. Ils nous prennent pour des ignares, mes frères, on connaît l'histoire. Ils nous servent une soupe qu'on a déjà crachée. Marseille à ses repères, ne se laissera pas faire. Marseille, l'esprit ouvert, reprend du dab au dessert. C'est le route, route rock reggae marseillais. C'est le route, route rock reggae marseillais, man. C'est le route, route rock reggae marseillais. C'est le route. Eh bien voilà les amis, c'est Dei Pavo, Roots Marseillais. Allez, passons à notre dernière chanson, qui est une chanson de Summary, qui se nomme Rasta New Gangsta. Vous allez voir, c'est franchement, je pense que terminer l'émission sur ça, c'est super, car la chanson est super. Allez, c'est tout de suite, c'est pour finir. Let's go. Talking about, so beg your pardon, Mr. Officer. I am a soldier for Jah, who's protected by the scriptures. And I no see no gun, but I'm looking in the face of a vampire. Rasta, no gangster, you represent the slave master. I'm here to set your people free, peace is my philosophy. Rasta, na gangsta, you are work for slave master. I'm here to set your people free, peace is my philosophy. Mr. Officer, why you a do this? And I'm the king of this palace. Him said, don't speak to me, cause I was saved here by the beast. But truly, I man know you are grudge me because me locks in my fear. Love ain't ugly, so let's unite and let the whole world know. Rasta, na gangsta, you represent the slave master. Master, I'm here to say. Et bien voilà mes Rasta, j'espère que cette émission vous aura plu. Moi pour ma part, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse émission, donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde.